Viens, on se prend pas la tête, je prends pas ça pour un jeu. Fais-moi confiance, t'inquiète. Oublie les acteurs, laisse-les parler entre eux. Ils critiquent ce qu'ils rêveraient d'être. Plus les jours passent, je vois accomplir mes vœux. La moi rentre et je vois que ça les embête. Je me dis hamdoulak, sur ta rien bon Dieu. Si je comptais sur certains, je pourrais jamais m'en remettre. Ainsi va la vida. Tout va tant que je suis bien avec ma wife. Tout va bene, chica surveille mon dos. Chéri, fais tes valises, qu'on fasse le tour del mundo. Ainsi va la vida. Tout va tant que je suis bien avec ma wife. Tu nous connais, je sais bien que t'as capté le flow. Prêt à faire du râlé, c'est ta amigo. Viens, on se prend pas la tête, je prends pas ça pour un jeu. Fais-moi confiance, t'inquiète. Oublie les acteurs, laisse-les parler entre eux. Ils critiquent ce qu'ils rêveraient d'être. Plus les jours passent, je vois accomplir mes vœux. La moi rentre et je vois que ça les embête. Je me dis hamdoulak, sur ta rien bon Dieu. Si je comptais sur certains, je pourrais jamais m'en remettre. Si ça va pas, faut qu'on parle. Faut pas qu'agisse les nerfs. Sûrement y'aura des hauts débats. Faut savoir où aller, faut pas qu'on se perde. Y'a de la folie, de la politesse. Acolyte, j't'ai validé. Accroche-toi ma chérie, j'aime la vitesse. Les haines s'entassent, faut se sauver. Oh, y'a plus trop d'amigo. Voilà, j'en perds mes mots. Il me reste 4-5 frères. Hasta luego, depuis j'analyse tout. Beaucoup trop de mythos, faut que t'assures mes arrières. Viens, on se prend pas la tête, j'prends pas ça pour un jeu. Fais-moi confiance, t'inquiète. Oublie les acteurs, laisse-les parler entre eux. Ils critiquent ce qu'ils rêveraient d'être. Plus les jours passent, je vois accomplir mes vœux. La moi rentre et je vois que ça les embête. Je me dis hamdoulak, sur ta rien bon Dieu. Si je comptais sur certains, je pourrais jamais m'en remettre. Viens, on se prend pas la tête, je prends pas ça pour un jeu. Fais-moi confiance, t'inquiète. Oublie les acteurs, laisse-les parler entre eux. Ils critiquent ce qu'ils rêveraient d'être. Plus les jours passent, je vois accomplir mes vœux. La moi rentre et je vois que ça les embête. Je me dis hamdoulak, sur ta rien bon Dieu. Si je comptais sur certains, je pourrais jamais m'en remettre.